t'as le seum, c'est encore nous. Quand je rappe, c'est beaucoup plus profond que dans le porno. Né en banlieue, je me plains pas, je vais avec. Faut connaître l'art de la guerre pour dessiner la paix. Y'a pas un jour, je pense pas à maman derrière les barreaux. À Sadio, au pardon, aux larmes de la daronne. Ambiance mortuaire, silence funéraire, civière d'un frère fumé hier aux heures de prière. Gros big is me, baby is me. Je remets les renois à la mode, d'arbalodili au micmire. Ce bâtard critique, puis mon flow depuis qu'il s'améliore. Comme esprit au 50 Ray à Ray New York. On vend du bruit de l'odeur, 93 soldiers. Auteur et interprète, je passe la victoire au perfect. Ma fierté est insolente, les gens la découvrent. Même en chaise roulante, moi je refuserai qu'on me pousse. Refrain. Je suis nostalgique, je suis trop loin de chez moi. Paris sera magique quand la juge acquittera un noir. Je suis trop nostalgique, je suis loin de chez moi. Paris sera magique quand la juge acquittera un noir. Il me faut du soleil, de l'oseille pour mes gars enfermés. Si tes couilles sans raid dans mes rails, c'était mieux de la fermer. Comme un ex-dollar ou une queue, j'essaie de me réinsérer. Moi, je suis un produit de banlieue que l'État peut pas digérer. La partie triste de ma vie, c'est quand les cercueils s'en vont. Traîne qu'avec des mauvais beurs qui détestent les jambons. Faut se venger pour que la douleur s'atténue. Un T-Max et des armes et des larmes, je crois que le gars est fini. J'suis plein de figures de style sans maquillage, t'es charmé. Banlieue sale parce que la juge me blanchira jamais. La paix est trop pudique, c'est des calibres qu'on exhibe. Gaïa, c'est la police, montrer à l'État qu'on existe. Moi, dans ce business, j'suis bien trop réglo. Dans ce game, j'ai 2-3 mecs à régler. Dixon sort le barbuck, les anciens sont gays. Ma carrière dort sur le dos juste pour éviter qu'on me baise. J'suis trop loin de chez moi. Paris sera magique quand la juge acquittera un noir. J'suis trop nostalgique, j'suis loin de chez moi. Paris sera magique quand la juge acquittera un noir. You know? Rap inspiré par des genoux, tu connais l'enjeu. Écran de chez moi, front dépasse, donc la juge c'est pas hors jeu. Pointeur, bolos et poucave, c'est mieux qu'ils nous évitent eux. Non, fais pas de lèche vitrine devant un regard vitreux. J'crains tellement les coups de pute, ça m'effraie plus les coups de feu. 9-3 barres, je passe ton bat, atmosphère douteuse. Boule noire, table de billard, coup de queue. Silhouette de keuf, même dans le brouillard, coup de feu. Rap de manchot, mais j'en mets quand même la fessée. Cherche mes puits à prêcher, me réveille, m'endors stressé. Non, non, mes puits pas n'un boss, on va encore les vexer. On agit, on cogite, car violent on l'a été. C'est pour mes gars du 9-5, car j'ai des gars au nez. C'est pour mes gars, mes homies, des spola au nez. Après une carotte chez nous, t'entendras click bang. J'aime trop les leggings panthères, d'un 9-3, c'est la jungle. Je suis trop loin de chez moi. Paris sera magique quand la juge acquittera un noir. Je suis trop nostalgique, je suis loin de chez moi. Paris sera magique quand la juge acquittera un noir.